La grenouille verte s'agenouille au parlement. Son but était de figurer parmi les grands. Malheureusement, elle est tombée sur une bande de délinquants. Côtoyant les putains et les maquereaux, toutes les journées à se taper dans le dos, quelles que soient les parties auxquelles elles appartiennent, ces salopes ne font que mettre du miel dans leur gorge, à force de sucer des bites et dans les forges qui servent à battre du faux fric que la grenouille verte a bien été déçue au début, mais elle a pris goût à se foutre dans le cul. Des gens qui votent pour elle, des gentilles gazelles qui se promènent librement dans leur enclos de ciment. Venez vous prendre